pas Ève, c'est Evelyne. Personne ne l'a jamais vraiment appelée, sans doute que personne ne l'a jamais vraiment aimée, ou peut-être par correspondance. C'est pourtant Evelyne que j'ai embrassée, que j'ai serrée fort dans mes bras. Quand elle a pleuré, j'ai eu les larmes aux yeux. C'est pas Eve, c'est Evelyne. Dans ses yeux, on voit pas la mer. Y'a des fenêtres qui s'ouvrent sur une fête terminée où elle n'était pas invitée. C'est pas Eve, c'est Evelyne. Elle n'a pas de jardin, mais un appart avec vue sur la rocade et un terrain vague. C'est pourtant Evelyne que j'ai embrassée, que j'ai serrée fort dans mes bras. Quand elle a pleuré, j'ai eu les larmes aux yeux. C'est pas Eve, c'est Evelyne qui pousse son corps trop lourd comme elle. Elle sait que quelqu'un l'aime à Paris et viendra un jour la chercher.